Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 4 juillet 2017. Voici les grands titres de cette dernière édition pour cette journée. Une fois rappelé, Made in Burundi a été lancé officiellement ce mardi à Bujumbura. L'occasion pour le ministre du Commerce est de demander aux entrepreneurs privés de toujours se conformer aux exigences du Bureau burundais de normalisation en faisant certifier leurs produits afin de trouver facilement des marchés d'écoulement. Et le maire de la ville de Bujumbura réaffirme que seule la société Bujumbura Cleaning Company a le droit d'enlever les déchets solides dans la capitale. Mais vous allez l'entendre, Freddy Mbonima dira que les autres sociétés qui prestaient dans ce secteur peuvent elles aussi l'intéresser pour avoir cette autorisation. L'intégration dans la communauté est-africaine se fait à deux vitesses et le Burundi est en arrière en termes de croissance économique. Un mauvais élève de la région, regrettera le président de l'organisation PARSEM. Parole et action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités. Faustin Ndikumana donne l'exemple de la chute de sa production et de ses exportations les 10 dernières années. Et puis les activités commerciales à l'ex-parking de la gare du Nord en zone Kamenge de la mairie de Bujumbura tournent très mal depuis que les véhicules faisant le transport en commun ont déménagé ce lundi vers le marché dit Kotebu en Gagara. C'est un reportage d'Aubin Niyonguru. Et ceux qui vivent de l'extraction du métal cassitérite sur la colline Rutanganika en commune Makebuko de la province Gitega sont satisfaits de ce travail qui leur permet de faire vivre leur famille. Autant pour la commune qui voit ses caisses renflouées par les taxes perçues sur cette production qui se fait en toute légalité. Et à la fin de ce journal, dans la chronique santé ce mardi, nous parlerons du vitiligo. C'est une affection de la peau caractérisée par l'apparition des taches blanches sur certaines parties du corps. Nous aurons des éclairages du docteur Elie Mopera. Il est dermatologue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Politique pour aujourd'hui, ouvrir ce journal, la plateforme politique de l'opposition essentiellement en exil a adressé une correspondance aux chefs d'État africains qui étaient réunis à Addis Abeba pour leur demander d'aider dans la restauration de la paix et de la sécurité à travers des négociations inclusives et sans conditions entre le pouvoir de Bujumbura et toute l'opposition. Dans cette correspondance, le Sénarède insiste pour que les accords d'Arusha soient toujours respectés et que la Constitution ne soit pas révisée. Suivez le porte-parole du Sénarède, Jérémy Ngendakouman. Dans cette correspondance, il a été rappelé que le troisième mandat de Pierre Nkurunziza constitue le nœud de la crise burundaise, qui avait fait jusqu'ici plus de 2000 morts, plus de 8000 prisonniers politiques et 500 000 réfugiés répartis en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, en République démocratique du Congo et ailleurs en Afrique. On n'a pas oublié de rappeler la pauvreté extrême dans laquelle vivent les Burundais, avec un indice de développement qui fait du Burundi le pays le plus pauvre du monde. Et le Sénarède a alors demandé à ses chefs d'État et de gouvernement de voler au secours du peuple burundais en faisant de leur mieux pour amener le pouvoir de Bujumbura et surtout Nkurunziza lui-même à s'asseoir avec le Sénarède Giriteka pour trouver les voies et moyens de mettre fin à la crise qui secoue le Burundi en remettant sur les rails l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et la constitution qui en est issue. Voilà, c'était le porte-parole du Sénarède de Jérémy Ngendakoumana à propos de la correspondance adressée aux chefs d'État africains qui étaient réunis à Addis Abeba pour le 29e sommet de l'Union africaine qui est arrivé à son terme aujourd'hui. Et parmi les annonces de ce sommet, le président du Rwanda devrait prendre la présidence tournante de l'organisation l'an prochain en 2018. Et ce n'est pas encore officiel, ça n'a pas été annoncé dans la conférence de presse de clôture, mais c'est ce que tous les délégués ont confié à la sortie de ce sommet. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme appelle les chefs d'État, les chefs des entreprises privées qui fabriquent des marchandises sur base des produits locaux de saisir le bureau burundais de normalisation pour que leurs marchandises soient certifiées afin qu'elles puissent trouver le marché tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. L'appel du ministre Pelat Niyonguru coïncide avec l'inauguration ce mardi de la foire appelée Made in Burundi par le deuxième vice-président de la République de Burundi. Les détails avec Évariste Nzikobanyanga. Ceux qui participent à cette foire dite Made in Burundi indiquent qu'ils vont profiter de cette opportunité pour faire connaître leurs produits locaux à l'échelle nationale et à l'extérieur du pays. Leokadi Nyamgero, représentante légale de l'association Burundi Clays, trouve que cette foire est une valeur ajoutée. Burundi Clays fabrique des briques de haute qualité, des briques durables, des belles briques qui sont fabriquées sur base de l'argile du Burundi. Quelle est la valeur ajoutée de répondre présent à ce genre de foire? La valeur ajoutée est très grande, vraiment. Ça permet aux Burundais d'avoir une grande valeur, de rehausser la valeur du Burundi au niveau national et au niveau international. Cela étant, les chefs d'entreprise et industrie qui fabriquent des marchandises sur base des produits locaux déplorent le manque criant d'électricité. Sur ce, le deuxième vice-président de la République, Joseph Butore, tranquillise. Cette haute autorité appelle cependant les investisseurs étrangers de venir nombreux au Burundi. Nous interpellons ceux qui aiment le Burundi à venir investir dans ce pays, les arrière-petits-fils de Mwezi Gisabo. Je tranquillise à ceux-là qui ont été victimes du manque de l'électricité. Ceux en charge de la question sont à l'œuvre pour trouver une solution durable à ce problème d'ici 2 mois. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme demande aux propriétaires de ces entreprises et industries de faire valider leurs marchandises chez BBN avant de les écouler vers les marchés. Cette foire pourra aider ceux-là qui travaillaient dans la clandestinité de se conformer à la loi. C'est pour cette raison que nous interpellons les responsables de ces associations de saisir le BBN pour que leurs marchandises puissent être certifiées avant d'être écoulées sur les marchés. Ce qui pourra vous aider à trouver le marché d'écoulement de vos marchandises tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Cette foire de marchandises fabriquées sur base des produits locaux prendra fin en date du 9 du mois en cours. Évariste Nzikobanyanga. Le maire de la ville de Bujumbura appelle chaque société ou association ou un ordre qui œuvrait dans la salubrité en mairie de Bujumbura de se présenter à lui moyennant un document de non-redevabilité des CTMU, les services techniques municipaux. Freddy Mbonima précise en outre que la mairie tire des avantages dans la convention avec Bujumbura Cleaning Company. À ces sociétés, les aides intéressées la mairie, ajoute-t-il. Il réaffirme que seule cette société, la Bujumbura Cleaning Company, a ce droit d'enlever les déchets solides dans la capitale. Suivez-le. Effectivement, nous avons signé une convention de partenariat avec cette société. Depuis lors, c'est elle qui est autorisée et à s'occuper de la salubrité dans toute la mairie. Cela veut dire que les autres sociétés qui avaient contracté, qui avaient signé une convention avec la mairie sont devenues caduques. Donc, l'administration à la base savent très bien que la Bicico est autorisée à faire ses activités de salubrité. L'article 12 de la convention qui lie la mairie, les CTMU à ces sociétés et association précise qu'il doit y avoir une mise en demeure 15 jours avant. L'avez-vous fait? Effectivement, comme c'est stipulé, 15 jours pour les avertir. Je pense qu'on n'a pas pu passer par cette voie-là, mais je ne pense pas qu'on a aussi violé la convention, étant donné que parmi les 45 sociétés que nous avons, ou associations d'enlèvement des déchets, il y en a ceux qui, il y a plus de 2 ans, plus de 3 ans, qui ne sont plus actives. Il y a des sociétés qui n'ont plus droit à créer au dépotoir. Donc ces sociétés, on ne pouvait pas aller les chercher si elles ont fait faillite ou pas. C'est pour cela que nous demandons à des sociétés qui pensent qu'ils sont encore en ordre, qu'elles passent à la mairie et discuter, voir si elles sont encore en ordre. Sinon, pour le moment, elles ne sont plus autorisées, étant donné qu'elles n'ont pas respecté la convention signée. Parmi les explications que vous donnez, des arriérés de 72 millions de francs burundais, mais la mairie dispose des agents de recouvrement. En fait, ces ces associations n'ont pas d'adresse physique. Leur téléphone qu'on avait ne passe plus. Alors c'est pour cela que nous demandons à votre médium de pouvoir nous aider. Ceux qui pensent qu'ils sont les plus passés, en amenant bien sûr des documents qui les lient à la mairie, et aussi une attestation de non-redevabilité pour voir si réellement la mairie a violé la convention signée. Et il faut savoir aussi qu'ils n'avaient plus droit accès à la décharge de Mouvonnet, ce qui compromettait dangereusement l'environnement. Ces sociétés et associations, chacune a une convention individuelle. Mais pourquoi avoir pris la mesure d'arrêter leurs activités dans l'ensemble? Il n'est jamais tard. Si on a donné cette injonction, il y a des avantages que la mairie tire de cette convention avec la BCECO. Alors si elle pense aussi intéresser la mairie, nous les invitons à venir discuter. D'abord qu'ils soient en ordre, ensuite on va gérer la suite. Ces sociétés et associations vous ont adressé une correspondance demandant une rencontre, une réunion. Allez-vous leur accorder cette audience? Je vais pouvoir accorder l'audience à chaque société. Ils ne constituent pas un syndicat. S'ils ont signé une convention avec la mairie, ils ne l'ont pas fait en groupe, ils l'ont fait individuellement. Je ne vois pas comment je vais les recevoir toutes ces sociétés en même temps. Les reçus de la nouvelle société, la BCECO, portent le logo de la mairie de Bujumbura. Quelles explications à cela? Ça porte le logo de la mairie parce que nous devons contrôler les entrées de cette société, étant donné que parmi les encaissements qu'ils vont faire, la mairie doit en bénéficier 30%. Donc nous devons nous rassurer exactement les quais ou les billets émis pour bien contrôler ces entrées parce que la mairie en tire 30%. Donc c'est important que la mairie puisse suivre de près cette société pour que nos intérêts ne soient pas bafoués. C'était le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, au téléphone avec Mireille Kanyang. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le Burundi n'a pas pu augmenter sa production ni ses exportations pendant les 10 ans au sein de la communauté est-africaine. C'est le constat du président de l'association PARSEM, Parole et Action pour le Réveil et Changement des Mentalités. Faustin Dikoumana pense qu'il serait nécessaire de faire une étude approfondie pour analyser les manquements qui ont freiné l'intégration générale du Burundi dans cette communauté. Il l'a dit ce matin au cours d'une conférence de presse. Suivez Faustin Dikoumana. Adhérer dans une organisation d'intégration régionale est une chose, mais savoir utiliser profit en est une autre. Pourquoi intégrer une organisation d'intégration régionale? C'est pour permettre à l'accélération de la croissance économique, doper les exportations pour avoir des devises. Mais malheureusement, le bilan est très mitigé pour ne pas dire dérisoire ou négatif. Même si l'East African Community est l'une des organisations d'intégration régionale les plus dynamiques d'Afrique, de par la croissance, le Burundi risque d'être un mauvais élève au niveau de la croissance économique. Si le Burundi a un taux de croissance le plus faible, qui était à moins de 3-4% même dans les années antérieures, aujourd'hui il est négatif. Alors que pour d'autres pays, c'est supérieur à 6 ou 7 mètres. Au niveau du PIB par habitant. C'est le seul pays qui a un PIB par habitant de moins de $300. Alors que les autres, c'est supérieur à 600-700. L'intégration de l'East African Community se déroule vraiment à un rythme accéléré. Quitte à ce que certains pays faibles comme le Burundi risquent de ne pas suivre ce rythme. Il y a l'intégration à deux vitesses. On accepte que si il y a deux ou trois pays avancés dans un domaine en laissant de côté d'autres qui piétinent encore. Nous demandons au gouvernement d'organiser en urgence une réunion d'évaluation assortie des plans opérationnels directs pour redresser la situation. Il faut vraiment une volonté politique visible, assortie d'actions concrètes pour soutenir le secteur privé dans son pays. Parce que le secteur privé constitue l'alpha et l'oméga de l'intégration régionale. Faustin Dikoumana, président de l'organisation PARSEM, paralysie des activités commerciales à l'ex-parking de la gare du Nord en zone Kamenge de la mairie de Bujumbura. Et cela depuis que les véhicules faisant le transport en commun ont déménagé ce lundi vers le marché du Kotebu en Gagara. Les vendeurs des unités de recharge téléphonique, les boutiquiers et autres se plaignent que leur commerce est au ralenti parce qu'il n'y a plus suffisamment de consommateurs. C'est un reportage d'Aubin Niyonguru. Le trafic a sensiblement diminué au parking de l'ex-gare du Nord dans la zone de Kamenge. Plus de véhicules de transport. Les policiers sur les lieux veillent au respect de la nouvelle mesure. Les véhicules de transport qui tentent d'embarquer les passagers sont sanctionnés. Les commerçants sont les premières victimes de ce manque de mouvement. Ce boutiquier dit qu'il n'y a plus de clientèle. Il n'y a plus de trafic. La crise va nous toucher. Nos articles ne sont pas achetés. La circulation va de pair avec les affaires. Nos clients et tous ceux qui se rendent à l'intérieur du pays. Mais il n'y en a plus. Même son de cloche pour ce vendeur d'unités. Lui et certains de ses collègues disent qu'ils pourront eux aussi déménager. Celui-ci est rabatteur. De retour du nouveau parking, il dit avoir remarqué que la nouvelle gare est trop petite. Il est impossible qu'on puisse s'installer dans le nouveau parking. Il est trop petit. Même ceux qui s'y sont y installés sont jeunes. Il n'y a pas de place où peut garer les véhicules de type FUS. Nous travaillons clandestinement pour le moment afin de pouvoir nous rationner. Les autres qui disent que leurs activités sont au ralenti sont les détenteurs des restaurants, les taxis vélos et autres. Merci Aubin Nyongoro. Il y en a qui sont lésés, d'autres sont satisfaits. C'est notamment ceux qui vivent de l'extraction du métal cassitérite sur la colline Rutanganikan, commune Makewoko de la province Gitega. Ils affirment que ce travail leur permet de faire vivre leur famille. De plus, ce travail fait des rentrées dans les caisses communales puisqu'elles prélèvent une taxe mensuelle de 100 francs burundais à chaque kilogramme produit et vendu. L'administrateur de cette commune reconnaît que ce travail se fait dans la légalité. Retour à mairie de Bujumbura où les habitants des quartiers 1 et 2 et Kigwati de la zone urbaine de Nyakabiga s'indignent du fait des odeurs suffocantes provenant des égouts de la 4e avenue. Ils craignent des maladies. Ces habitants disent que les services techniques municipaux y ont effectué des travaux mais que ça n'a pas duré. Mireille Kanyang. Ces eaux usées proviennent d'un égout situé à la 4e avenue du quartier 2 de la zone Nyakabiga. Elles empruntent un canal passant au quartier 1 et Kigwati pour se déverser dans le drain de Vugizo, séparant les zones Nyakabiga et Buiza. Pour ce commerçant, cette odeur nauséabonde fait fuir les consommateurs de lait. Avant, on vendait du lait autour de 20 litres. Maintenant, l'on vend à peine 5 litres. Nous avons quelquefois versé du lait par terre. Les consommateurs de ce produit qui entrent ici déplorent ces odeurs. Ils préfèrent aller ailleurs. C'est pour cela que l'on demande que ces égouts soient réparés. La situation dure 3 mois et ils n'en peuvent plus, indique cette dame rencontrée ce lundi soir assise sur une chaise près de la canalisation. Ça fait 3 mois, nous avons crié et on nous promettait que ça allait être réparé, mais en vain. Nous ne voyons pas d'évolution. Ce qui nous reste, c'est de quitter cet endroit. Selon les conducteurs de taxi vélo qui ont un parking à la jonction de cette 4e avenue et l'avenue Muyinga, ces eaux sont tellement mauvaises, des fois ils quittent et vont de l'autre côté de la route. Ces habitants affirment avoir contribué à hauteur de 1000 francs burundais par ménage, mais il n'y a pas eu de changement. Même les services techniques municipaux ont une fois réparé ces égouts, mais ça n'a pas duré, explique-t-il. Il demande que cette avenue soit réhabilitée avant qu'il n'attrape des maladies. À côté de cet égout qui a débordé, de l'eau potable se déverse dans cette avenue. À l'origine, un tuyau endommagé, nous ont-ils indiqué. Radio Isanganiro Chronique. On termine ce journal par cette chronique santé où l'on va parler du vitiligo, une affection de la peau caractérisée par l'apparition des taches blanches sur certaines parties du corps. Le dermatologue Elimo Pera indique que le vitiligo n'est ni contagieux ni douloureux, mais qu'il peut entraîner une détresse psychologique importante. Il l'a dit à Francine Ndiokogayo. Le vitiligo est une maladie qui affecte la peau et se caractérise par des taches blanches sur des parties du corps, comme l'indique le dermatologue Elimo Pera. C'est une maladie extrêmement fréquente qui touche les sujets essentiellement jeunes et qui commence au niveau des parties intimes, je dirais, les organes génitaux externes au niveau de l'anus, mais qui peut se propager sur l'ensemble du corps et va se manifester par des taches claires comme celles que l'on observe chez les albinos. Et ce sont des taches villages qui sont isolés. Le vitiligo est une maladie dont les origines sont génétiques, environnementale et auto-immune, selon le docteur Mopera. Il a été évoqué des maladies auto-immunes. Ce sont des maladies particulières qui sont dues à un dysfonctionnement du système immunitaire. Vous le savez, l'immunité, c'est pour nous protéger contre les différentes agressions, particulièrement les microbes qui viennent du milieu environnant. Et s'ils combattent vaillamment, donc on ne développe pas la maladie. Et d'autres recherches ont pu mettre en évidence que c'est une maladie partiellement héréditaire et qui peut être due à une transmission génétique, c'est-à-dire une anomalie au niveau du patrimoine génétique des parents et qui transmettent cette anomalie au niveau de leur descendance. Et d'autres travaux ont évoqué la part du stress et dans tous les cas, l'ensemble de ces facteurs, ils ont un dénominateur commun, c'est qu'ils vont détruire les mélanocytes. Ce sont des cellules qui se trouvent au niveau de la peau et qui fabriquent un pigment appelé mélanine. Et la mélanine, c'est ce pigment qui est responsable de la coloration noirâtre de la peau. Donc, ceci s'observe très fréquemment. Vous avez vu les femmes qui se livrent à des pratiques de dépigmentation artificielle. C'est là qu'ils procèdent à une destruction de mélanocytes. Vous le verrez aussi chez les albinos qui sont carrément dépourvus de ces mélanines et donc ils n'en ont pas eu. Le dermatologue Mopera nous parle également de la façon dont se propage la maladie. Ça peut se propager sur l'ensemble du corps et leur distribution est globalement symétrique, c'est-à-dire ce que l'on observe est sur le membre droit, c'est ce qu'on observe sur le membre gauche. Ça peut également toucher les muqueuses, c'est les téguments qu'on observe au niveau de la bouche, au niveau des organes génitaux, au niveau des mains, et vous voyez que ce n'est pas comme la peau normale ou alors au niveau de la plante des pieds. Et au niveau des cheveux, ça va donner une décoloration avec des cheveux blancs, essentiellement chez le sujet jeune. Les taches blanches ne sont ni douloureuses ni directement dangereuses pour la santé, mais elles ont un impact négatif sur la vie des personnes touchées. C'est une maladie qui est dite bénigne sans complications, mais avec de lourdes conséquences esthétiques, plus particulièrement, vous le comprendrez, chez la jeune femme en quête de beauté, et donc un refus de soi, et ce qui pose un problème majeur. Et il y a beaucoup de médicaments notamment, et certains qu'on applique localement et d'autres qu'on peut utiliser de manière générale, c'est-à-dire pas des comprimés qu'on ingère, et ça donne un résultat mitigé, c'est-à-dire pas immédiat. Le vitiligo n'est pas non plus une maladie contagieuse et ne peut même pas être prévenu. Le dermatologue Eli Mopera appelle les personnes atteintes à se faire soigner à temps pour une meilleure prise en charge. Merci Francine Nendi-Okugayo, merci docteur Eli Mopera pour ces éclairages sur le vitiligo. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.